qui me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi, mes côtés. Ton regard fixé. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Il est un petit peu plus de 10h et c'est pour les Jones. Donc autour de la table, il y a... Nicolas. Camille. Corinne. Andalala. Régine. Christopher. Et en technique ah, la technique est muette aujourd'hui. Il y a Marion. Ah. Et... comment tu t'appelles? Quoi? Comment tu t'appelles? on attend Zinedine. Zinedine. C'est dur, hein. C'est dur. Alors, la dernière fois, il y avait une chanson mystère qui avait été choisie par Christopher. Donc, je pense que personne n'a appelé Christopher. Non. Alors, je précise aux auditeurs, nous avons un Christopher 1 et 2. Mais voilà. Fait partie de Radio Gamozo, un animateur. Pour faire la différence, on peut dire Chris et Christopher en face de moi. On fait cri-cri et Chris. Pas de musique. Pas de musique. Donc, la dernière chanson mystère, Christopher, tu te rappelles, c'était quoi que tu avais choisi? Magic System. Non. Gradure. Gradure, voilà. Ne reviens pas. Donc, apparemment, personne n'a trouvé. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai choisi The Road So Far, c'est tiré de Supernatural. Bah, dis pas, c'est la chanson mystère. Ah, et ben, ce ne sera plus une chanson mystère. Et ben, on va passer que Gabriel avait choisie. On ne dit rien du tout, et puis on l'écoute. Voilà, on fait l'inverse. On passera celle de Christopher un peu plus tard. Oh, il l'a dit trop tard. Thank you. Voilà, donc c'était la fameuse chanson Mystère. Donc, si les auditeurs veulent appeler, le numéro, c'est... Nicolas, tiens, tu sais, toi. 03 29 62 40 40. Voilà, merci Nicolas. Donc, bien sûr, aujourd'hui, nous avons Christopher, donc, l'animateur, donc qui est avec nous. Mm-hmm. Alors, pourquoi il est avec nous aujourd'hui ? Parce qu'il parle de la radio. Voilà, il va quitter la radio, et pourquoi ? On en a déjà parlé, alors je ne sais pas si vous avez retenu. Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Oui, c'est notre radio. Oui, mais ce n'est pas spécialement pour ça. Les filles sont stage. Ah, vous avez entendu Les filles sont stage. Oui, c'était quoi comme stage, vous savez ? Stage d'animateur. Un stage d'animateur ? Radio. Oui, mais dans quel cadre aussi ? Tu peux le lire peut-être, Christopher ? C'était pas vraiment un stage, c'était un service civique de 9 mois. J'ai commencé le 13 mai, je termine aujourd'hui, donc le 12 février. Donc voilà, un service civique de 9 mois. Voilà. J'ai tout ça. Donc, nous consacrons en partie cette émission à Christopher. D'accord ? Mais nous allons tout d'abord commencer par les... infos. Les infos, c'est important, ça. Alors, qui veut commencer ? Zinedine, est-ce que tu avais des infos ? Non. Voilà, comme ça, c'est rapide. T'as pas écouté les infos ? Bah oui ou non ? Non, voilà. Camille, tu as regardé les infos ? Non. Non. Eh ben, Nicolas ? Oui. Vas-y, Nicolas. Le train. Le train, là. En Italie. Oui, alors, dis-moi. Il y a eu un accident. Il y avait un accident de train. En Italie. C'était où exactement ? Tu te rappelles ? En Italie. Oui, mais la ville. À Milan. À Milan. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu peux raconter sur... Il y a eu deux morts. Deux morts. Il y a eu plein. Puis il y a eu beaucoup de victimes. De blessés. De blessés. Oui. Une trentaine de blessés, oui. Alors pourquoi ? Tu sais pourquoi il y a eu cet accident de train ? Parce que dans le virage, ça, 70 km/h, il avait dit. Il allait trop vite ? Non, pas trop vite. Ah. Il a manqué le virage ? Oui. Il est sur les rails, non, le train ? Oui, il est sur les rails. Ouais, donc. On ne sait pas pourquoi, alors. Non. Ah. Je ne sais pas non plus. Ouais, moi, je n'ai pas trop su non plus. Ouais. J'ai entendu l'info, mais après... Oui, ouais. On ne l'a pas dit. Mais c'est bien de le signaler, Nicolas. Oui. Ensuite... Maman. Eh ben, vas-y, Christopher. Non, info, là. Vas-y, Christopher. 5 cas du coronavirus. Où ? En Haute-Savoie. Ah oui, ils sont pas confirmés encore. Ils sont pas quoi ? Confirmés, les 5 cas. Pas encore. Alors ça, c'est lundi, hein, tu nous as dit ça. Oui, j'ai vu ça. Et ça fait bon sens. Alors c'est quoi le coronavirus ? C'est un signe. C'est ? C'est le coronavirus. C'est un virus. Quel signe ? Bah, il a pris quelque part sa source là-bas. Un signe ? Mais. Mais. De quoi ça vient ? Une souris. Oui, une souris. Alors, non. Ah, c'est plus le nom des animaux là. C'est un autre animal. C'est un gros nez là. Qui aspire des fourmis. C'est grand, il a des écailles. Le tatou. Hein ? Le tatou. Le tatou. C'est un animal, le tatou, mais c'est pas ça. Ah, c'est plus le nom, là. Oui, t'as raison, c'est un animal, mais... Enfin, on sait pas trop, non. On peut demander à Marion ? On n'est pas c'est sûr. C'est le garondin, ou un nom comme ça ? Deux. J'ai entendu ça. Personnellement, j'ai entendu la civette, après... Non, après, c'est passé à un autre. Ah bon ? Oui. D'accord. Okay. Le garondin, il me semble un nom comme ça. Deux. J'ai pas noté. Il a des écailles, il est assez petit, puis il a un long nez. Parce qu'effectivement, il mangeait des fourmis. On voit, c'est un animal sauvage. C'est très prisé dans les Chinois. Ils adorent cette viande. Parce qu'elle est très tendre. Il tue, puis il la mange. Donc voilà, apparemment, ça viendrait de là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le virus. Il contrôle. Oui. Il contrôle au Haute-Savoie. Oui. Pour la température. Et oui. Voilà. Il y a eu 5 cas de signalés en Haute-Savoie. Donc il y a eu deux écoles de fermées pour justement surveiller un peu toutes les personnes qui fréquentaient l'école, surtout les enfants d'ailleurs. Ouais. Hein. Et puis c'est fini. Et là, maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que le virus est maîtrisé? Non. Encore des morts. Oui. Qui c'est qui avait parlé du nombre de morts? Nicolas, je crois. Non, c'est pas moi, je crois. C'est pas marqué. En Chine, 1000 morts. Ah, là, c'est bon. Eh ben, là, oui. Lui, c'était 908. Oui, plus de 1000, hein. Ça augmente. Et 40 000 personnes contaminées, donc qui ont dû être soignées. Donc c'est énorme, hein. Mmh. Donc il ne faut pas non plus avoir peur dès que quelqu'un tousse à côté de vous ou éternue, hein. C'est pas non plus, c'est pas que ça devienne une psychose. Hein. La psychose qui s'installe en France. Voilà. Oui. Hein, c'est... Ouais. C'est pas parce que quelqu'un est asiatique qu'il a le coronavirus. Oui, alors ça, c'est pire que tout. Hein, oui. Ça, t'en as parlé, Christophe. Hein. Ça, c'est, oui, ça, c'est oui. Du racisme. Comme ça, ouais. Les Chinois, c'est bon. Hein. Oui. Du respect. Oui. Voilà. Autre info. Oui, on va passer. Hein. On va pas s'étendre là-dessus. Hop là. Tiens, Nicolas, qu'est-ce que tu nous avais dit d'autre? Ils cherchent le vaccin pour le coronavirus. Ah ben, on a dit qu'on arrêtait, tu repars. Ils recherchent le vaccin. Oui, bah oui, c'est vrai. Pour nous vacciner. Oui, voilà. Oui. Et puis... Après, même s'ils arrivent à isoler... Le sous. Oui, il faut aussi du temps pour mettre en place ce médicament. Deux ans. J'ai entendu 2 ans. C'est long, hein? Ouais. Ici que le médicament soit sur le marché. Ouais, après, il faudra. Comment? Après, il faudra casser la tirelire pour l'avoir. Il faudra casser la tirelire pour l'avoir. Bah non, on se donne à tout le monde, Christophe. Hein. Pourquoi il faudrait casser la tirelire? La tirelire de l'État, tu veux dire? Oui. Oui, pas la tienne. Hein. Pas la nôtre. C'est bon, Nicolas, et passe à ton info suivante. Moi? La tempête. Oui. Alors, ouais. Comment elle s'appelait, tu te rappelles? Ah, en plus, je l'avais dit en plus lundi. Bah oui, tu l'avais dit. Je l'avais dit en plus. Ouais. Mais comme elle est passée, c'est sûr que... Hein, on l'a un peu oublié. C'est la tempête? Irma. Non. Irma, non. Vétéran. Le? Vétéran. Vétéran. Bombe atomique. Comment il l'appelle? Je sais comment ça s'écrit, mais je sais pas comment... On... Ciara. On dit Ciara. Ciara, la tempête, oui. Ciara. Ciara. Ciara. Alors justement, elle a dit, quand on en a parlé, quand Nicolas en a parlé, eh ben, la nuit qui avait précédé, on était en plein dedans. Oui. Hein, le vent. Je leur avais demandé, avez-vous bien dormi? Non. Non. Ouais, bah oui. Lundi, vous étiez très excité. Hein. Moi, j'ai bien dormi, moi. Vous voyez qu'il y avait un manque de sommeil. Hein. Moi, j'ai bien dormi. Hein. Nicolas, tu as entendu la tempête? Oui, la tempête. Oui. Tu as même dit que tu avais peur. Rappelle. Oui. Toi aussi, tu as entendu la tempête? Moi, j'ai entendu du vent. Toi aussi, Zinedine? Oui. Moi, j'ai pas peur. Là, moi, je suis tranquille, moi. Et toi, Gabriel, tu avais entendu la tempête? Oui. Un gros mot, moi. Oui, tu as eu peur? Oui. Ben moi, j'ai eu un arbre qui est tombé devant chez moi. Ah oui. Et qui a entraîné le câble électrique. Oh mince. Il est tombé. Donc, on n'a pas eu d'électricité pendant 2 jours. Il a fallu attendre 24 heures pour avoir les agents de l'électricité, d'Enedis. C'est là qu'on se rend compte que l'électricité est bien utile. Et comment on a vécu comme ça sans électricité? Et donc on a mis des bougies, ouais. les lampes frontales, parce qu'heureusement on en avait. Et le chauffage? On a pu chauffer au bois, heureusement, parce que... Et il y a les congélateurs. Il y a les congélateurs, oui. Ouais. Et pas vos télé, non? Ah, pas de télé, bah ah, oui. Pas de télé pendant 2 jours, rien du tout. Pas de télé pendant... Bien deux vu, jours. Gabriel, pas de télé. Bah alors là, il y en a qui seraient malheureux. Pas hein, d'avoir. Ah, ah, pas ouais. Moi. Pas moi. Hein. Pas d'eau chaude. Sur Internet. Hein. Hein non. Ah, pas d'eau chaude en plus. Oh. Oh. Ah, l'eau froide. Pas de boisson chaude le matin. Non, mon cacao. Eh oui. Mon cacao. Voilà. Ah, de l'eau froide. On se rend compte que... Bah, oui. Ah, de l'eau froide. Et oh. Le soir, il fait nuit, il fait très très nuit à 7h voilà. Et demie. Donc, bah, on s'est couché très très tôt parce qu'on ne pouvait rien faire. Et jouer à la belote. Ouais, lire, non, pas. Parce que pour jouer à la belote, il faut de l'électricité, il faut de la lumière. Tu prends une lampe, hop. Ben oui, mais pff, c'est fatigant. C'est de regarder tout avec une lampe. Ça dépend, c'est une lampe à pile, t'as pas besoin d'électricité. Lampe à pile, c'est mieux oui, si t'as une lampe. Quand on n'a pas d'électricité, c'est énorme ce qu'on peut pas faire. Alors voilà pour Nicolas. Maman. Et ta dernière info, c'était quoi que j'avais dit ce matin? La Croatie. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe en Croatie? Ils ont tapé des migrants. Ils ont tapé des migrants. Ils ont tapé des migrants quand ils sont arrivés sur leur territoire. Hein? Tu as entendu ça ce matin? Non, oui. Le week-end. Dans le week-end, oui. Tu avais dit que la Croatie, oui, était sous pression de 10 000 migrants. Ils tapent les migrants. Ils ont porté plainte. Qui a porté plainte? Les migrants. Contre qui? Contre la Croatie. Parce qu'ils ne voulaient pas les laisser rentrer. Je sais pas. Parce qu'ils les ont tapés? Oui, ils ont tapé avec des matraques. Ouais. Ouais. C'est rien, vous n'acceptez pas. D'accord. Bon, bah, on laisse la Croatie. Vous avez entendu quelque chose? Non, pas sur ça. Info. Nicolas, il a souvent des infos qu'on n'entend pas. Je sais pas, ça doit être radio, je sais pas quoi, ou télé, je sais pas quoi, ou tu vois. La télé. Radio qui va pas beaucoup. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait possible. Bah oui. Ouais. Info coréenne. Alors après, Christopher, oui. Tu as encore à nous dire. J'ai encore une info. Oui. Un satellite a été lancé depuis la Floride. Oui. Et il reviendra. Vers où? Vers le soleil. Oui. Pour étudier le soleil. Et puis? Il reviendra en 2022. Ouais. Il va lui falloir 2 ans pour s'approcher au plus près du soleil. Après, il tombera dedans. Seulement après, il pourra commencer à observer ce qui se passe. Vous rendez compte un peu, il faut quand même qu'il soit bien, qu'il y ait des alliages spéciaux et tout pour pouvoir s'approcher comme ça. Puis il faut qu'il ait une énergie. Ouais. C'est particulier. Hein. Oui. Pétrole. En tout cas, c'est très intéressant. Hein. Voilà, donc les infos, je crois qu'on a fini. Mais il y avait aussi Gabriel qui avait quelque chose à nous dire. Il y avait quoi ce week-end, Gabriel? Qu'est-ce que tu as regardé à la télévision? En famille? Ah non, non, tu dis pas, je sais pas. Hein. Gabriel. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait à la télé? Tu te redresses, Gabriel? Un film. Et là, maman, elle écoute. Hein. Redresse-toi. Alors, qu'est-ce que tu as vu à la télé? Je sais pas. Si, tu sais. Si. Ça va pas agir. Qu'est-ce que tu as vu? Attends. Ballon. Ballon. Non. Attends. Bonhomme. Tu as vu quelque chose que toi aussi tu fais. C'est quoi? Du? Judo. Voilà. C'est bien, Gabriel. Oh. Continue. Alors. C'est tout. Ça se passait où, Gabriel? À la télé. À la télé, oui. Oui? Oui. Mais la ville, tu sais? Non. À Paris. Paris. C'était le grand chelem de judo, à Paris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il faut les battre, d'écraser le juge. Tondez. Grondé. Je sais que c'est fait gronder. Non, tondez. Tomber, oui. Alors, le grand champion. Comment il s'appelle, le grand champion? Non, je sais pas. Teddy? Teddy. Teddy, oui. Comment? Teddy Ruiner? T'as gagné. Ah non, il a pas gagné. Hein. Non. Non, il s'est fait écraser. Il a dit tout à l'heure, il est tombé, donc il a... perdu. Il a perdu. Émilie, pas Émilie à France. C'est un Français? Oui, Teddy Riner, c'est français. Oui. Et il a perdu. Hein? Les premiers tours. Tu l'as regardé, Christophe? Non, j'ai pas. Mais dégalaissant. T'as regardé, Zinedine? Oui. Ah oui, c'est bien. Mais dégalaissant. Jusque là, il avait eu 154 victoires. Allez, alors c'était une heure. Heureusement que ta maman elle est là pour nous aider, Gabrielle. Parce que nous, on ne savait même pas. Enfin, moi, je ne savais pas. En tout cas, il a perdu. Humilié. Et ta maman, elle nous a aussi dit que les filles, elles avaient eu de bons résultats. Mieux que les garçons. Elles ont rapporté des médailles d'or et d'argent. Oh, quoi c'est bon, oh. Les filles, je souligne. Voilà. Et puis, Gabriel... On est contente, hein, Camille. Gabriel, donc, tu fais aussi du judo. Hein. J'en parlais dans le c'est judo. Fini. Alors, est-ce que tu peux dire, par exemple, ta sœur, quelle ceinture elle a eue? Ils ont. Quelle couleur? Ils ont. Non. La verte, voilà. Donc, ta sœur, elle s'appelle comment déjà? Elisa. Elisa, voilà. Et toi, tu as passé un examen pour avoir la ceinture... Elisa. Attends, tu parles devant le micro. Elisa. Jaune-orange, voilà. Et tu dois repasser en juin, c'est ça? C'est bien, Gabrielle, hein? Tu fais plein de choses, hein? Mais c'est confond, ça. C'est confond. Et est-ce que tu voulais nous parler un peu de ton week-end? Oui. Oui, alors t'as fait quoi? Ah! Moi je sais, mais j'aimerais que toi tu le dises. T'as pas été dans la ballon? T'as joué au ballon, mais tu as été où aussi? Baladé. Te balader, oui. Dans la forêt? Oui. Oui? Et tout moi. Tu as couru? Oui. Ah ben ça c'est bien. Et puis, qui c'est qu'il y avait avec toi? Elisa. Et qui? Maman. Oui, et qui encore? Moi. Oui, toi, et qui? Je sais pas. Il n'y avait pas quelqu'un avec vous qui est venu se promener? Oui. Oui? Je sais pas. Oui, mais la personne là qui était avec vous, elle n'a pas emmené quelqu'un se promener avec elle? Le chien. Le chien, voilà, oui. C'est bien, parce qu'en plus, il en parlait lundi, et puis c'est bien que maman, elle complète, comme ça, on comprend mieux. Oui. Il y avait un chien. Alors, est-ce que tu l'as caressé, le chien? Non. Si. Bah si, alors, pourquoi tu dis non? Bah, c'est bien, Gabrielle. C'est une grande avancée. Hein? Oui. Alors, est-ce que papa, il est rentré? Non, non. Voilà, vous allez l'entendre dire. Mais bientôt, hein? Bientôt. Il te manque, papa? Oui. Ben dis-lui. Il monte, papa. Voilà. Oui, merci, Gabriel. C'est bien. Alors, on va commencer avec Christopher. Oui. Oui. Non, c'est pas toi. Ah! Voilà. Mais bien sûr, pour faire Christopher, nous allons déjà lui passer sa chanson pour lui faire plaisir. Oui. Alors, Christopher, est-ce que tu peux là annoncer ta chanson? Oui, donc le titre c'est The Road So Far, c'est tiré de l'épisode numéro 200 de la série Supernatural, qui se termine d'ailleurs cette année, il me semble. Et voilà. Merci Marion. Bringing home a brand new life. His name is Sam. Corinne, elle te grosse. Donc il faut continuer. Voilà, nous étions en conversation, Gabriel. Le cœur agit inoublié. Grand débat, hein. Aïe. Voilà. Grand débat. Donc, alors, vous avez des questions pour Christopher? Moi, non, pas moi. Oui, c'est vrai, Gabriel, toi tu en avais pas. Attends. Hein. Donc on va commencer par Zinedine. Alors vas-y Zinedine, tu peux te faire aider par Marion si tu n'arrives pas. Il joue au foot, toi? Il est là. Est-ce que je joue au foot? Quand j'étais enfant, plus jeune, ça m'arrivait, mais maintenant un peu moins. Oui, du foot. Faisais-tu partie d'un club, Christopher? Non, je joue avec mes frères ou avec des amis. Là, j'ai joué il n'y a pas longtemps avec des amis un petit peu, mais ce n'est pas ce que je préfère faire, on va dire. D'accord. Ensuite, maman. Nicolas. Il n'est pas. Tu n'as pas une question à poser? Non, si, on est deux, je ne sais pas. Bah, vas-y, tu peux lui en poser une. Mais c'est pas écrit. Hein. Non, mais tu peux lui dire oralement. Il n'y a pas besoin qu'elle soit écrite. Vas-y, dis-lui. Quoi? Elle est chère. Non, mais moi, j'ai rien écrit, là. Si, t'avais écrit. Non, moi, j'ai écrit les infos. Ah, pardon. Oh, alors, Corinne. Et Nicolas. La monteuse. Bravo. Là, c'est moi, là. Allez, pas de question. As-tu une copine? Non, j'ai plus de copine depuis l'été dernier. T'es pas obligé de répondre, tu peux dire je ne veux pas répondre. Oh, ça me dérange pas. C'est moi. Du Kier aussi. Oh, c'est un peu la même que... Ils ont ballon. Pareil, quand j'étais enfant, plus jeune, ça m'arrivait, mais de moins en moins. Attends, Christopher, tu rattends. Qu'est-ce que tu feras après la radio? Ce que je ferai après la radio, je vais essayer d'aller postuler, d'aller voir dans d'autres radios. Et sinon, je vais continuer à écrire et puis à chercher. Ça, c'est le micro. Donc voilà, sinon je vais continuer à écrire, à chercher, ou alors travailler en tant que surveillant dans un lycée, ça me plairait bien aussi. Plus lycée que collège? Ouais, parce que la différence d'âge est peut-être avec les collégiens, elle est plus grande. Mais les deux, ça ne me dérangerait pas. Et le service civique est terminé alors? Aujourd'hui, ouais, ça termine aujourd'hui. C'est ça? Ouais. C'est 9 mois, service civique? Ça dépend les différents contrats, mais le mien, c'est 9 mois, oui. Ah oui. Mais c'est pas une obligation de le faire, ça? Non. Non, c'est pas obligatoire. Non. Mais moi, j'avais envie de le faire, parce que le milieu de la radio, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attiré. Et puis, j'avais fait un stage ici, avant d'être en service civique. Et donc, j'ai remarqué que ça me plaisait beaucoup, donc j'avais envie d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Mmh. Voilà. Ok. Bah vas-y Christophe. Bah tu es en boîte de nuit. Non, je vais pas en boîte de nuit. J'aime pas trop. C'était pas la question là. Ça c'est une découverte. Si, elle est marquée. Elle est marquée sur sa feuille. C'est une preuve, hein. Ouais. Question 1. Ok. Vas-y. Bah tu es en boîte de nuit. À toi. Où tu habites? J'habite dans un petit village pas loin de Vanier, qui s'appelle Zinvillé. C'est à 2 km de Vanier. Petite maison. C'est une ancienne ferme, ma maison. Oh. C'était la maison de mes grands-parents, que mon père a repris, du coup, voilà. Ah non, il y a une question pour moi. Il a de la chance, tu dis, Gabriel. Mais il n'y a plus d'animaux. C'est une ancienne ferme. Avant, il y avait des animaux quand mon père il était plus jeune. Donc les cochons, les moutons, tout ça. Les poules, tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus d'animaux. Maintenant, ça s'est aménagé en maison normale. Voilà. Moi, j'ai une question. Vas-y, Christopher. Quel âge t'as-tu? J'ai pas compris, pardon. Quel âge que t'as? À ton avis. 40 ans. Oui, bien sûr. Voilà, c'est bien. 40 ans. 25 ans. 25. 25 ans. 31. Et toi, Camille, quel âge tu lui donnes? 25. 24. Et toi, quel âge tu lui donnes? 4. Là. 4 ans? Oui. 4 ans, oui. D'accord. 23 ans. 23 et toi, ans. Zinedine? Zinedine? C'est quoi, moi? Tu lui donnes quel âge à Christophe? Tu lui donnes quel âge? C'est quoi? Je sais pas. 22. Je vais avoir 22 ans en avril, oui. Oui! Oui, t'en as dit d'autres avant. C'est pas tout. Oui, c'est le dernier que t'as dit. Ouais. Hein. Yes, t'en as dit au moins 3. Voilà, moi j'ai fini. C'est bien de poser cette question comme ça. Oui, c'est, oui. J'avais envie de voir. Oui. Je savais pas que je faisais 40 ans, merci Christophe. Désolé. C'est plus vieux que moi. Quoi? Ouais, c'est quoi? Ça en fait. Quoi? Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Vas-y, Zéline, parce que tu as des questions intéressantes aussi. Oh oui. Demande à Marion qu'elle t'aide. T'es parti? Ah, j'ai des autres questions après. Pardon, j'ai pas compris. J'ai pas compris, Zéline. T'es parti? T'es parti? Le permis? Oui. As-tu ton permis? Oui, j'ai le permis. Quoi? Tu es rassuré, Zinedine? Hein? Est-ce que tu es rassuré? J'ai des questions. Est-ce que c'est important d'avoir son permis, Zinedine? Oui. Ah bah oui, hein. Parlez aussi. Moi, j'ai dit un A, moi, j'ai un A. Vas-y. Vas-tu au cinéma? Oui, j'aime bien aller au cinéma, ça m'arrive plus ou moins régulièrement. Ah. J'aime bien. Camille, vas-y. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai deux frères. Deux grands frères. C'est bien ça, d'avoir des frères et sœurs. Vas-y Camille, continue. Quelle est ta couleur préférée? J'ai deux couleurs préférées, c'est le bleu et le vert. Ouf. Pourquoi ouf? Pourquoi, Nicolas, tu fais ouf? Pas comme ça. Pas comme ça. T'avais peur que ce soit ça le rose? Non, c'est pas le rose. Le rouge. Oh, le rouge, c'est beau aussi, le rouge. J'aime bien le rouge, moi. T'aimes bien le rouge? Moi aussi. Oh. Toi aussi, Camille? Bleu, moi. Bleu aussi. Noir, j'aime bien noir. Noir. Noir, t'aimes bien? C'est ça. Nicolas, tu avais... De quoi? Oui, de quoi? Tu avais une autre question. Tu te rappelles plus? Maman. Ah, est-ce que t'es bien le mec de... Pas dans le micro, Nicolas. As-tu des enfants? Oula! Oula! Non, pas encore. Déjà, ouais. Pas encore. Ah, j'ai une question. Corinne. Des enfants. Normalement, t'as fini. J'ai bien posé des questions. Ça se pourrait, tu diras. On laisse déjà. Ça se pourrait, mais non. Hein? Oui, j'ai l'âge, mais je n'en ai pas encore. Vas-y, Camille. As-tu un animal de compagnie? Ah, sujet sensible. J'avais un animal de compagnie, mais j'ai plus. Non, c'était un chien. Et il est décédé il y a quoi? Il y a un ou deux ans. Mais j'y pense encore toujours. Un singe? Non, pas un singe, un chien. Un chien. Un chien. Un chien. Zinedine. Quoi? Vas-y. Des tours de mou. Alors, veux-tu faire le tour du monde? C'est marrant les questions, hein, Zinedine. Oui. Est-ce que je veux faire le tour du monde? C'est pourquoi pas, mais il y a surtout plusieurs pays que j'aimerais bien visiter, mais le tour du monde, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas dans les projets, on va dire. Voilà, pas maintenant, Zinedine. Mais alors, quels sont les pays que tu aimerais visiter? L'Espagne et le Mexique. J'aimerais bien aller visiter ces deux pays-là. Et pourquoi pas le Japon aussi? Oui. Voilà, c'est vraiment les pays qui m'attirent le plus. Question, Corinne. Question. Corinne, question. Alors, Zinedine, tu en avais encore? Non. Là, il en reste trois. Des pains? Pain. Quoi? Vas-tu à la pêche? Est-ce que je vais à la pêche? Non, j'y vais pas à la pêche. Bah, tu vas, toi, Zinedine? Non. Non, bah alors, t'as l'air déçu, là, mais... Il est déçu. Vas-y. Je joue au loto. Encore? Est-ce que je joue au loto? Bon, on va dire Joker. Oh. Joker. Vas-y, Camille. Écoutes-tu de la musique? Bah, en sachant que je travaille dans une radio, j'ai pas le choix. Mais sinon, ouais, chez moi, on va dire que je peux pas passer une journée sans écouter de musique. Donc, ouais. M'attaque au réveil. Ma sonnerie de réveil, c'est une musique. Donc, ouais, j'aime bien la musique, j'en écoute tous les jours ou presque. Est-ce que tu joues d'un instrument alors? J'aimerais bien, mais non, pas encore. Oui. Alors, j'aimerais bien jouer de la batterie. Ah oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas forcément les moyens, moi. On va dire. Mm-hmm. Voilà. Bien moi. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Christopher? J'écoute un peu de tout, mais j'aime bien le rock et puis enfin le rock, ça dépend actuel ou enfin j'écoute un peu de tout. Je suis très, je suis pas difficile on va dire. Mmh. À part le rap d'aujourd'hui, non. Mais sinon les, voilà, j'écoute un peu de tout. Bien. Oui. Est-ce que tu es inscrit dans un club de sas? Un club de chasse? Oui. Non. C'est bien fort que tu chasses des animaux. Non, bah, je vais peut-être me faire des ennemis, mais personnellement, je suis contre la chasse, donc non. C'est bon, tu es satisfait? Oui. Ouais. Tu vois, Christopher, on peut être contre la chasse. Bah oui. Alors, sachant que je suis un grand défenseur de la cause animale, la chasse, c'est hors de question pour moi, donc non. T'es pour, toi, Christopher? Non. Non, mais tu as le droit d'avoir un avis. Tu peux donner ton avis, hein. Bah, j'ai rien, moi. Bah, tu demandes l'avis à Christopher. Demandez. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Non. Non. Vas-y, Camille. Quel est ton plat préféré? Pâtes. Mon plat préféré? J'aime bien les gnocchis. Ah oui, les gnocchis. On en a mangé hier. Ah ouais, les gnocchis. Ah les couilles. Les gnocchis. Sinon, ouais, les gnocchis, les lasagnes. Oh. Tout ça, les pâtes. Voilà, c'est pas... Oh, aime bien sa pâte. Tu veux faire les gnocchis, Christopher? Elle ne mange pas le micro. Mais ça, moi. Vous pouvez vous entendre, hein, si vous aimez les pâtes, tous les deux. Il va faire des pâtes longues. Maman, donc, c'est pâtes, quoi. Ouais, on va dire les pâtes, oui. T'es pas très viande? J'essaye de limiter, on va dire, la viande. Bon, j'en mange de temps en temps, mais j'essaye de limiter, oui. Et le poisson? Ah, le poisson, j'aime pas. Enfin, ça dépend lesquels, mais les poissons... Bah, poisson pané, ouais, j'aime bien. Sinon, il y a aussi le panga. C'est un poisson que j'aime bien, mais sinon... Le poisson, ça? Non, voilà, les poissons, on va dire le poisson sorti de la pêche, la truite, tout ça, j'aime pas ça, donc non. Ah oui? Ah oui. Ouais, je non. Serais-tu un garçon difficile, Christophe? On va dire que ça dépend du point de vue de chacun. Et tu fais la cuisine? Ça m'arrive, ouais, oui. De faire la cuisine. Ouais, d'habitude, habituellement, on va dire que c'est ma mère, quand elle peut. Mais oui. Sinon, oui, ça m'arrive de. Comme par exemple, quand j'étais en études à Nancy, j'avais pas le choix de faire la cuisine. Donc, ouais, ça m'arrive. Poisson pané, gnocchi, quoi. Non, pas que, mais. Voilà. Les deux en même temps. Bon, c'est bien de faire la cuisine, non? Oui, bah oui, c'est sympa. Bon, il n'y en a qui n'aiment pas, mais je trouve ça agréable de faire la cuisine. Alors, tu parles de Nancy. Attends, je vais lui demander la question. Tu as fait quelles études? J'étais en fac de lettres, en LEA, langue étrangère appliquée. Ah oui. J'ai passé 2 ans là-bas. Oui. Mais après, je suis parti parce que je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas forcément, en fait. Oui. Que quand je suis entré en fac, j'avais pour projet de devenir professeur de langue. Oui. Puis après, quand j'ai vu, j'avais pas conscience de toutes les études à faire, donc ça m'a un peu, refroidi. Donc après, je suis parti, ça me correspondait pas, donc voilà. D'accord. Donc tu parles plusieurs langues, Christophe? L'espagnol. Ouais. Je parle anglais, espagnol. J'ai des bases d'italien, des bases de portugais, et je connais quelques mots de russe. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots de chaque langue? Par exemple, en russe, est-ce que tu pourrais me donner? Christophe. Non, bah, pas besoin de faire. Bonjour. Bonjour. Il ne fait pas beau, par exemple. Oula, on va dire les mots, mais les phrases, j'ai un peu de mal à comprendre. Bah, je sais pas. Lasagne. Lasagne. Bah, cherche, dis voir ce que tu veux. Par exemple, je peux dire merci. Oui, voilà. Ça dit spasiba. En russe, c'est pasiba. Spasiba. Spasiba. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis alors, si on va en portugais? En merci, c'est obrigado. Quand on s'adresse à un homme, ou obligada, quand on s'adresse à une femme. Ah oui. Ah, ça se décline comme ça. C'est ça. Mm-hmm. Et en espagnol? C'est... Gracias. Gracias, oui, je sais. Gracias. J'avais un trou. Et puis, bien sûr, en anglais, ça, vous savez comment on dit merci en anglais? Good money. Hein? Comment? Good money. Good money. Thank you. Good thank you. Ah, c'est plus mal anglais. Bravo. On a fait un tout petit Nicolas, peu Nicolas, c'est bien. Et italien, non? Merci en italien, c'est grazie. Ou grazie mille pour merci beaucoup. Goodbye. Au revoir. Au revoir en italien, tu dis ciao. Ciao. Bah, ciao, bien. Bébé. Ah, mais il y a. Donc, alors, quel débouché tu as après des études que tu as fait? Et Bah, je peux bosser si je veux travailler, pardon. Je peux travailler dans des bibliothèques ou des médiathèques. Ou peut-être en tant que traducteur, mais ça, j'ai un doute. Voilà. Après, je suis plus attiré par tout ce qui est métier du livre, multimédia. Donc, radio, milieu audiovisuel. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui m'attire le plus à l'heure actuelle. Mmh. Bah, il faut continuer. Bah, je vais tout faire pour, oui. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris sur les 9 mois ici, alors ? Ça va faire rire Marion. J'ai appris à faire du café. Parce que, voilà. Sinon, bah, j'ai appris. J'ai rencontré beaucoup de personnes formidables. Et j'ai appris à me servir d'une table de mixage. La technique. Ouais, ouais. J'ai appris. Ça m'a permis de me développer, d'affronter ma timidité. Parce qu'avant, j'étais très, très timide. On n'a qu'à écouter ma toute première émission ici que j'avais fait avec une ancienne animatrice. Je ne trouvais pas mes mots. Donc voilà, ça m'a permis de surmonter ma timidité. Plus confiance en toi. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai appris, plein de choses. J'ai appris plein de choses. Avec les différentes recherches pour mes émissions, pour mes chroniques, tout ça. On va dire que c'était de grandes connaissances. Voilà. Oui. Tu as fait des chroniques alors ? Oui, j'avais une chronique sur le cinéma. Oui. Je devais avoir fait 45 épisodes, quelque chose comme ça. Ah oui. Ensuite, maintenant, j'ai une chronique qui va bientôt être terminée sur une de mes passions, le catch. Oui. Voilà. Et puis, j'ai la prochaine. Le catch ? Oui, le catch, ouais, c'est une de mes passions depuis que j'ai 10 ans. Et la prochaine chronique que je ferai, c'est sur une autre de mes passions, sur la magie. Voilà. La magie, ouais. Ah, tu as appris des tours alors ? Oui, j'en connais quelques-uns. T'en connais quelques-uns ? Magie, mentalisme, tout ça. Voilà. Donc, par exemple, je peux faire téléporter des sucres. Je peux faire disparaître. Téléporter des sucres ? Ouais. Des sucres en morceaux. Je peux faire téléporter un mouchoir que je mets dans mon poignet, dans mon poing. Oui. Et que quand je le lâche, le mouchoir n'est plus là et il est téléporté autre part. Alors, voilà, c'est tout. On va dire, les magiciens, c'est des. Ils m'indiquent beaucoup. Tu veux pas faire un stage à Liémeux ? Je pense que avec ce que tu dis là, il y a des jeunes qui seraient intéressés. Hein. La magie, le catch, pourquoi pas ? Je pense qu'il y a des mondes intéressés. Le truc surnaturel. Bah le truc surnaturel, c'est surtout ouais. Pourquoi pas ? On pourrait demander à Monsieur Ballant. Ce qui est intéressant, hein, on voit que Christopher, il était timide. Et puis parce qu'il n'avait pas les mots au début, hein. C'est un peu ce que vous faites, vous. La radio, ça l'a aidé. Oui. Mmh. Et vous avez parfois pas les mots, hein, Gabriel. Et puis à force de vouloir le dire, on arrive à avoir les mots. Hein. Donc un bel exemple. Zinedine, tu vois, il arrive à avoir les mots. Et il était très très timide. Il dit. Laisse-moi tranquille. C'est dur parfois d'avoir les mots, hein, de pouvoir les sortir, alors qu'on les a dans la tête. Ouais, hein, c'est ça en fait, mais ça veut pas sortir. Oui. Et puis avant, par exemple, comme j'étais très très timide, quand je parlais à quelqu'un, je n'osais pas le regarder dans les yeux. Ah oui. Donc maintenant, ça m'a libéré un petit peu la radio. Ah donc, oui. Avec mes différentes émissions, j'ai accueilli différents invités. Oui. Et donc, on va dire que je me vois mal faire les émissions en regardant la table de mixage et pas les invités. Oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment, ça m'a vraiment libéré, on va dire. C'était très libérateur la radio. C'est vrai. Hein. Mmh. Vous voyez, quand vous me dites bonjour, je vous dis souvent, regarde-moi dans les yeux. Hein, Zinedine. Quoi ? Il regarde pas ses pieds quand on dit bonjour. Mmh. Voilà. Il me regarde, Zinedine. Là, tu me regardes, tu vois. Mmh. Et il n'arrive rien. Ah oui. T'es pas en danger, hein, si tu regardes quelqu'un, Zinedine. Oui. Hein ? Cours, Zinedine, cours, va te manger. Et au contraire, on se connaît mieux quand on regarde dans les yeux. Et le plus souvent, regarder dans les yeux, ça rassure. Plutôt que ça inquiète. Oui. Parce qu'il faut se dire que la personne en face de vous, elle est comme vous. Elle n'est pas différente. Elle est peut-être un peu plus âgée, un peu plus jeune, mais elle est comme vous. Elle est passée par là aussi. Par exemple, tu prends Corinne. Quand elle est née, elle était déjà pas comme ça. Non. Elle est passée par ton âge. Toi. Eh oui. Eh oui. Corinne était toute petite. En train de jouer à la poupée. Oui. On se voit la Barbie. Oui, il y a Barbie. On est tous passés par là. Ah ben c'est formidable cette expérience. Hein. C'est vrai. Et puis je fais aussi du théâtre. Donc ça m'aide encore plus. Ah oui. Yamazi. Dans une troupe à Zainvillers. Non, c'est à Remiremont. au théâtre de la Miroiterie, à côté de l'association, je sais pas si je peux le dire, je peux dire Marion, l'association en question, l'association Gassi à Remiremont. Enfin, c'est pas une troupe, c'est un atelier qu'on appelle ça, parce qu'on n'est pas des professionnels. Oui. On est des amateurs, mais on joue 2 à 3 fois, des fois plus, en fin de saison. Ah oui. Voilà. Là, je joue dans ma 3e année. Et vous jouez quoi comme pièce ? Un peu de tout. Quand j'étais là, la première année, c'était sur serviteur-maître. Oui. L'année dernière, c'était sur une... On avait pris plusieurs bouts de texte qu'on a fait se passer dans un bar. Et oui. Puis là, cette année, là, on est en train de travailler dessus. Ça va être surtout sur le thème de la rencontre. Rencontre amoureuse, rencontre amicale, tout ça. Ah oui. Ah, c'est intéressant tout ça. Pour guérir de sa timidité, il n'y a rien de tel que le théâtre. Le théâtre, ça aide beaucoup. Oui. Au théâtre, si vous faites du théâtre et que vous ne regardez pas les gens avec les ateliers, la prof, entre guillemets, elle va vous dire, regarde la personne en face. Ça aide beaucoup pour affronter sa timidité aussi, le théâtre. Voilà. Il y en a qui font du théâtre, là ? Non. Aucun ? Vous avez fait un petit peu au collège ? Oui, mais après on a arrêté. Pourquoi ? J'en sais rien, moi, on a arrêté. Hein. Oui, mais est-ce que vous avez trouvé que ça vous a aidé ? Est-ce que vous avez changé des choses sur vous ? Non ? Oui ? Camille, tu dis oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu te sentais plus à l'aise pour aller vers les autres ? Camille ? Oui. Oui ? Et toi, Nicolas ? Je sais pas, point d'interrogation. Christopher, ça t'a apporté ? Non. Il fallait que tu saches des textes par cœur ? Non. Non ? Ouais, mais Didier, moi, liaison, moi. Liaison. Tu as aimé Zinedine ? Oui. Vous deviez apprendre un petit peu des phrases ou non ? Des verbes. Non. Bon. Bah, si Benoît écoute, il va être content. Hein. Voilà. Non, Moi, j'aime bien Kralala. Parce que Benoît, il fait du théâtre, c'est lui. C'est Benoît qui faisait ça avec Justine. Ah oui. L'institutrice. Avec nous. C'était les jeudis après-midi, hein, c'est ça ? Oui. Voilà. Je suis pas là, moi, je dis. Donc j'aurais bien aimé que. Non, mais on parle de l'année dernière, Camilla. Oups. J'aurais bien aimé que vous en parliez un petit peu, là. Voilà, Benoît, bah c'est pouf. Pouf, on y est. Il est content, Benoît. Oui, il a dit qu'il écoutait, Benoît. Alors, Camille. Salut, Benoît. Tu avais encore question. Vas-y, Camille. Fais-tu des sorties ? Des sorties, ça m'arrive avec des amis ou parfois tout seul. Parfois, je vais me prendre... Écoute. Parfois, je vais me balader tout seul en vélo, des fois à pied, mais ou alors avec des amis. Ouais, ça m'arrive, je ne vais pas dire souvent, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des sorties, de voir des amis, tout ça. C'est bien d'avoir des amis, non ? Oui. Elsa. Vous avez des amis à l'extérieur ? Non. Non. Non. Nicolas. Je ne sais pas, moi. Bah, toi, tu vas au club de foot, tu n'as pas d'amis ? Tu t'entends pas avec les autres du club ? Tu t'entends bien, ça se passe bien. Mais est-ce que c'est des amis ? Des copains ? Même pas ? Un flotte. Qui sont tes copains alors ? Ceux de l'IME ? Moi, c'est mieux. C'est mieux ? Oui. Moi ? Gabriel, par exemple ? Ce qui dit moi. Non. Peur pas, Gabriel. Ouais, Gabriel, tu sais, on peut pas être copain avec tout le monde. On n'a pas des affinités avec tout le monde. Toi, tu as des copains. Monté. Nicolas, Nicolas, il a d'autres copains. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Timothée. Timothée, c'est ton copain ? Oui. Ah, c'est bien. Ton grand copain ? Oui. Ah, ben alors, malade. C'est bien. Il est malade, oui, aujourd'hui. Ah oui. Ah, ben voilà, lui, il a des copains. Et toi, Camille, tu as des copains ou des copines ? Une copine. T'as une copine ? De l'IME ou ailleurs ? De l'IME. Elle s'appelle comment ? Juliana. Ah oui. Et à l'extérieur, au collège, à la Zumba, là, à la danse, là, t'as pas de copine non plus ? Non. Non, tu dois te sentir toute seule ? Toujours. Quand tu fais de la danse ? C'est difficile d'avoir des copines à l'extérieur. Oui. Et toi, Nicolas, alors, c'est qui ton copain ou ta copine? Je ne sais plus les noms des copains et des copines. C'est pas de prénom. C'est Christopher? T'en as pas un que tu préfères? Si? C'est qui? Christopher. Oui. Ah, c'est Christopher. Zinedine. Zinedine. Ah ben voilà, tu vois, t'en as deux. On va pas mettre jaloux comme ça. Ah ben, non, il faut pas dire parce qu'il y aura pas de jaloux. C'est bien de, ben non, de tu, dire les non, choses. Tu dis les choses pour toi. Et puis mon pote. Enfin, la vie, c'est comme ça. Et toi, Christopher? J'en ai plein, moi, des copains. Ah, c'est bien. Adsen, Nicolas, Camille, Juliana, Suven, voilà, tout le monde. Moi? T'es un bon copain, alors. Oui. Ah oui, j'ai dit, oui, j'ai oublié. Donc, est-ce t'es un bon copain, copines, d'une façon générale. Ouais. Oui, t'en as beaucoup. Moi? Une fille. Un garçon, il parle. Et Zinedine, tu as des copains? Tu as des amis? C'est quoi? Des copains, Zinedine. Oui. C'est qui? Moi? C'est qui tes copains? Moi? J'en sais rien. Gabriel, il dit moi. Il veut absolument que tu sois, qu'il soit ton copain. Zinedine, il nous a... Allez! Aïe! Oui. Pas où il est. Allez, s'il te plaît. Il est au foot, Zinedine. Il dort, Zinedine. Allez! Puis d'être en technique comme ça, c'est bon. Oui. Ah oui, Zinedine. Ça lui permet de s'isoler. Il est plus dans le groupe. C'est mon pote. Donc, Christopher, c'est ton dernier jour aujourd'hui? Oui, c'est ça. À quelle heure il faut venir pour la fête? La fête, elle a été faite lundi. Avec lundi, alors on n'a pas su, nous. Ouais. Non, mais j'en reviendrai de temps en temps vous voir. Ah ça, c'est bien. Voilà, de temps en temps, les mercredis, je viendrai vous rendre visite. Ah, en technique. En technique, oui. Est-ce que je pense que ça peut leur faire plaisir aux jeunes? Oui. Avec Christopher, pour se faire un stage à Limeux. Un stage à Limeux, pourquoi pas si on m'accepte. Oui. Un stage, oui, après... Monsieur Ballin. Ça dépend si tu veux faire une formation dans ce cadre-là. Oui, formation d'éduc, ME, MP... Je ne connais pas trop, mais... Mais en stage comme ça... Oui, je suis pas sûr. Au point de vue juridique, c'est compliqué, quoi. Statut. Oui, voilà. Hein, il faut être dans une école ou... Voilà, c'est plus si tu t'orientes vers des métiers comme ça, bien quoi. Bien sûr, oui. Mais c'est sûr qu'il y avait des choses intéressantes tout à l'heure. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Mmh. Au revoir. Voilà, Gabriel nous a perdus. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Est-ce qu'on a dit que c'était l'heure, Gabriel? C'est 11h. C'est tout 11h. Manger. Donc, ce qu'on 3 va minutes. Dire... Déjà, on va remercier Christopher d'avoir partagé cette émission-là avec nous. Hein? On va lui souhaiter quoi? Bonne chance. Bonne année. Bonne année, si tu veux, Gabriel. Bonne chance. Bonne chance. Au revoir. T'as rien à lui dire? Je sais pas. Mais qu'on va à un nouveau boulot. Tu veux lui dire quelque chose? Oui, au revoir, c'est d'accord. Bien. Une bonne continuation. Oui, qu'il continue ses passions. Voilà, réussite dans ses projets. Oui. Hein? Voilà, et écoutez, la semaine prochaine, donc on ne vient pas, donc on reviendra le 4 mars, voilà. Et on va souhaiter donc de bonnes vacances. Bonne année. Et une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers, j'oublie. Au dîner, vu le le silence, tout le monde t'aime dans ma famille.